matin au soir, les jours se ressemblent. Mes mains, mon cœur tremble quand j'y pense. Les barreaux de ma cellule, je les arracherai. Pour arriver ici, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bienvenue dans ce monde de dingue, de démence. On est toute seule à pleurer en silence. Ne pense surtout pas que les jours ça avance. Bienvenue dans ce monde de dingue, de démence. Je sais que je suis pas la plus mauvaise, même si la société éprouve un malaise. Bienvenue dans ce monde de dingue, de démence. On est toute seule à pleurer en silence. Plus aucun jour ne sera comme avant. Être plus forte, j'en fais le serment.